Deuxième partie, Les Perles Bleues, chapitre premier. Monsieur Octave Serpier était un policier d'élite. Il aimait son métier. Il le connaissait à fond. Il savait que la base de toute police, c'est la méfiance. Depuis longtemps, depuis sa première entrevue avec lui, il se méfiait de Joey Blanquette. Il n'était même pas sûr, malgré les papiers de toutes sortes que lui avait montrés l'anglais, que ledit Blanquette fût réellement le personnage qu'il prétendait être. Oh, tout prouvait ou semblait prouver que Joey Blanquette était bien, si l'on peut dire, Joey Blanquette. Mais Monsieur Serpier était payé pour savoir, et il le savait depuis longtemps, que les apparences se prennent très facilement pour la réalité. Pourtant, Monsieur Serpier jugea que l'émotion de Joey Blanquette était sincère, et que ses affirmations relativement au mystérieux squelette méritait d'être prise en considération. Vous êtes bien certain, absolument, que vous ne vous trompez pas, insinua-t-il à l'adresse du détective britannique. Joey Blanquette se redressa, froissé. Je pense, dit-il, que le plus simple est de dresser un procès-verbal de notre visite ici. Nous ferons la description minutieuse et détaillée du squelette. Et cette description, nous la comparerons avec le signalement d'auto-drôle, tel qu'il existe dans les archives de Scotland Yard. Pour moi, la question est réglée. Nous n'avons plus à nous occuper d'auto-drôle. Elle est morte ici. Elle n'existe plus, et ce sont évidemment ses anciens complices qui l'ont tué. C'est-à-dire Argoulian et compagnie, fit Jérôme Korff. Argoulian ou d'autres, grommela Monsieur Serpier. Monsieur Joey Blanquette était de mauvaise humeur. Vous voulez peut-être parler de ce mauvais plaisant qui a laissé sa carte, murmura-t-il en froissant l'étiquette attachée à un des doigts du squelette. C'est une misérable farce. Pour moi, ce triple X n'existe pas. C'est un des nombreux subterfuges des criminels que nous recherchons. Nous ne. Mais, pardon, mais l'homme qui m'a délivré dans le bateau-mouche, il existe, celui-là, remarqua Korff. Je ne vous parle pas de votre sauveur. Je vous parle de Triple X, votre sauveur. Je suis persuadé que c'est tout simplement Vacariades. Vous avez été dupe d'une comédie admirablement jouée. Korff haussa les épaules. J'ai vu l'homme dont vous parlez, quel qu'il soit, asséner deux directs qui n'étaient pas de la plaisanterie. Si vous en aviez reçu un, vous seriez de mon avis. Je crains, Mr. Korff, que vous ne manquiez de méthode et d'esprit scientifique. En Angleterre, nous en possédons. Vous me répondez toujours à côté. Il s'agit de savoir si l'homme qui vous a délivré est Triple X, et si ce Triple X existe. La force de ces directs ne prouve rien. Admettons qu'il vous ait délivré réellement, c'est-à-dire sans jouer de comédie. Dans ce cas, nous pouvons encore supposer qu'il n'était pas d'accord avec ses complices, si c'était Vacariades. Tandis que se poursuivait cette controverse qui menaçait de tourner à l'aigre, Monsieur Serpier avait continué à examiner le squelette. Il jugea le moment venu d'intervenir. Inutile, messieurs, dit-il, de discuter plus longtemps. C'est du temps perdu, et vous n'en finirez pas, attendu que vous n'avez somme toute que des suppositions à vous opposer, de simples hypothèses. La personnalité de ce triple X, s'il existe, importe peu. Si, comme Monsieur Blanquette l'assure, nous sommes bien en présence du squelette d'Autodrôle, nous aurons déjà résolu une des données du problème qui nous est soumis. Autodrôle est l'assassin présumé de Karl Jacobsen. Nous savons qu'il avait un ou plusieurs complices. Ce ne peut être que ses complices qui l'ont tué. Et ses complices, ce sont Argulian, Piebald et compagnie. Monsieur Korff a été singulièrement maladroit lorsqu'il s'est lancé à la poursuite de William Grant. Mais dites donc, si Autodrôle est ici, riposta Korff, cela prouve que William Grant n'est pas Autodrôle? Et qui est-ce, je vous prie? Vacariades, peut-être? Ou Triple X? Nous saurons cela. Mais laissez-moi terminer, fit Joey Blanquette. Je disais donc que si, au lieu de poursuivre ce William Grant, quel qu'il soit, et peu importe pour l'instant, vous aviez continué votre perquisition, vous auriez trouvé dans la caisse du piano le cadavre dont le squelette est ici. Et cela aurait simplifié les choses. Vraiment, ah, maintenant Argoulian et Piebald sont loin. Ils sont sans doute au pouvoir de l'homme qui m'a délivré, de Triple X, grommela Korff. Il ne les a pas assommés pour rien. Il les a assommés pour vous délivrer, mais cela ne vous dit pas où ils sont. Et vous connaissez le proverbe qui dit qu'il ne faut pas courir deux lièvres à la fois, eh? Il nous reste l'espoir de retrouver Sona Arguellon, mais moi je n'y compte pas. Nous allons voir cela, conclut Monsieur Serpier, qui avait patiemment écouté les deux hommes. Pour l'instant, terminons la perquisition. Déjà, toutes les pièces, ainsi que le grenier, avaient été visitées. Monsieur Serpier, flanqué de Korff et de Joey Blanquette, que suivaient les deux inspecteurs de la sûreté, descendit à la cave. Jérôme Korff, d'un coup d'œil, reconnut que rien n'y avait été changé depuis qu'il y était venu en compagnie de Sonia Arguellon et du sinistre Piébald. Caisse vide, futaille en ruine, meubles démolis, outils de jardin rouillés n'avaient pas bougé. Mais la caisse, cette caisse neuve dans laquelle, soi-disant, avait été transporté le piano d'études de Sonia Arguellon, elle avait disparu. Pas de trace. En vain, les cinq hommes la cherchèrent-ils. Soudain, Jérôme Korff poussa une sourde exclamation. Joey Blanquette et Monsieur Serpier le rejoignirent. « Eh bien, questionna le chef de la sûreté, en voyant son subordonné qui, penché vers le sol, semblait changer en statue. Là, des fourmis rouges, un nid. Regardez, expliqua Korff en désignant un petit monticule de terre de forme conique érigé presque contre la muraille. Monsieur Serpier et Joey Blanquette se baissèrent et constatèrent que Korff avait dit vrai. Des milliers de fourmis rouges de très petite taille grouillaient autour du monticule. Ce ne sont pas des fourmis de nos pays, observa Joey Blanquette en hochant la tête. Fourmis asiatiques, de l'Inde, particulièrement féroces. Je connais. Quand j'étais à Mandalay, le Raja Piébald, dans le bateau-mouche, m'avait menacé de me faire ronger les yeux par les fourmis rouges, interrompit Korff. Et nous trouvons ici des nids de fourmis. Ce qui prouve que c'était bien Piébald qui vous a parlé. Mais je suppose que vous ne l'ignorez pas, dit Blanquette, avec la plus parfaite candeur. Korff ne répondit pas. Il avait tiré un carnet de sa poche et prenait des notes. La visite s'acheva. Somme toute, la perquisition n'avait pas été inutile. La découverte du squelette, si c'était bien celui d'Autodrôle, était d'une importance extrême. Quant au nid de fourmis, il ne faisait que confirmer la culpabilité d'Arguellon et de Piébald. Monsieur Serpier, ayant apposé les scellés sur la porte du cabinet de travail d'Arguellon et laissé les deux inspecteurs pour surveiller la villa, regagna Paris en compagnie de Korff et de Joey Blanquette. Le trajet s'accomplit sans que les trois hommes parlassent beaucoup. Blanquette était évidemment très préoccupée et ne le cachait pas. La découverte du squelette lui donnait à penser. Korff, lui, se remémorait les paroles de Triplix, de l'inconnu qui l'avait sauvé. Un conseil, méfiez-vous de Joey Blanquette, il est plus fort que vous. Se méfier de Blanquette? Korff s'en méfiait plus que du diable en personne. Quant à le reconnaître pour plus fort que lui, ça, jamais. Mais quel jeu jouait Blanquette? Si hasard, si invraisemblable que fût la supposition, il était l'allié d'Arguellon. Il fallait tout envisager. En tout cas, la méfiance s'imposait, et aussi la prudence. Maintenant, nous allons rue de Provence, fit Monsieur Serpier, comme le train s'arrêtait en gare du Nord. À défaut d'autre chose, nous perquisitionnerons. Les trois hommes sortis de la gare prirent place dans un taxi. Ayant sonné à la porte de l'appartement du marchand de pierres précieuses, ils furent plutôt surpris en voyant la porte s'ouvrir. Monsieur Arguellon, demanda Monsieur Serpier à la camériste. Monsieur est en voyage, mais mademoiselle est là, expliqua la domestique. Nous désirerions la voir tout de suite pour une affaire urgente, déclara Monsieur Serpier, qui plaça sa carte d'identité sous les yeux de la domestique. Celle-ci eut un haut-le-corps. Je vais tout de suite prévenir mademoiselle, balbutia-t-elle. Toute tremblante, elle conduisit les policiers dans le grand salon et disparut. Les trois hommes, du premier coup d'œil, constatèrent que dans la vaste pièce, rien n'avait été touché. Meubles, tentures, tableaux, objets précieux étaient à leur place. Aucune trace de départ. Ils échangèrent un regard éloquent. La présence de Sonia Arguellon était vraiment étonnante. Ils s'étaient attendus à ne trouver personne. Une des portes du salon s'ouvrit. Sonia Arguellon apparut. Elle était revêtue d'une robe très simple en soie crème. Son visage au teint mat était lourd d'angoisse, très tiré, yeux rougis, regard las. Vous désirez, messieurs? Demanda-t-elle en s'inclinant légèrement. Les policiers lui rendirent son salut. Je suis monsieur Serpier, chef de la sûreté parisienne, mademoiselle, se présenta le magistrat. Et voici l'inspecteur Korff, que vous avez déjà eu l'occasion de voir, monsieur Blanquette de Londres. La jeune fille s'inclina de nouveau et le regard fixé sur monsieur Serpier attendit. Dois-je vous demander, mademoiselle, où sont monsieur Argulian, votre père, et le sieur Piébald de votre fiancé? Je n'en sais absolument rien, monsieur. Naturellement, je ne perdrai donc pas mon temps. En vertu d'un mandat délivré par monsieur Carver, juge d'instruction, je vais être obligé de m'assurer de vous. Vous assurer de... Vous voulez dire que vous allez m'emmener en prison? S'écria Sonia Argulian, devenant livide. Vous l'avez dit, mademoiselle, et je n'ai pas à discuter les ordres qui me sont donnés. Votre père est accusé d'un horrible assassinat, de complicité avec votre fiancé, et tout semble prouver votre propre complicité. Oh, c'est... La jeune fille haletait. Les paroles sortaient avec difficulté de sa bouche contractée. Et il y a aussi un certain guet-apens dont a failli être victime monsieur Korff ici présent, et dont vous aurez à vous expliquer avec la justice. Moi? Moi? Répéta la malheureuse hagarde. Je ne peux rien vous dire de plus, mademoiselle. Si vous voulez vous munir de quelques vêtements, de linge, vous le pouvez. Cependant, vous me permettrez de ne plus vous quitter. Sonia Argulian se redressa. Un sourire amer, sinistre, crispa ses lèvres pâlies. Oh, monsieur, je ne veux pas me sauver, ni m'empoisonner. Ne craignez rien. Voulez-vous sonner et dire à la femme de chambre de m'apporter un manteau et un chapeau? Si j'ai besoin d'autre chose, je le ferai venir. Et appuyée à un guéridon, la jeune fille, droite, immobile, attendit. Korff alla chercher la camériste, qui apporta les vêtements demandés. 5 minutes plus tard, Sonia Argulian, en compagnie de Jérôme Korff, roulait dans un taxi vers la prison de Saint-Lazare, cependant que monsieur Serpier procédait à une perquisition en règle de l'appartement du marchand de pierreries.